Le bodybuilding, que l'on connaît aussi sous le nom de culturisme, est la discipline qui consiste à développer sa masse musculaire, mais pas dans un but seulement athlétique, sportif ou technique, mais aussi esthétique. Les bodybuilders, en championnat, sont ainsi invités à enchaîner toute une série de poses pour montrer la perfection de leurs muscles, à déplier toute une chorégraphie pour révéler comment chacun de ces muscles a été parfaitement entraîné pour atteindre sa finalité. Mais quelle est la finalité d'un muscle? À quoi nous sert-il? Assez banalement, on peut définir un muscle comme un ensemble de tissus mous, constitué également de sang et de nerfs, dont la fonction en se contractant est de produire de la force et du mouvement. Mais dans le cas du bodybuilding, à quoi servent les muscles si l'on ne fait que les montrer sans produire de mouvement? À quoi sert donc cette pure culture de la force? Avec près de 200 athlètes inscrits aux demi-finales nord des championnats de France de la fédération IFBB qui se sont déroulés dimanche à Sportica, la journée promettait d'être active et bien remplie. Le jury était à pied d'œuvre pour départager et noter les candidats qui visent la finale nationale dans 2 semaines. Si le spectacle de l'épreuve est dans la salle, sur scène, les coulisses sont un bivouac où chacun a pris sa place pour se préparer. C'est ici que les compétiteurs se mettent en tenue légère, prennent un peu de couleur grossièrement, se font repeindre à l'auto-bronzant qu'on appelle du tan. Cela permet, sous les projecteurs, de faire mieux ressortir les formes sculpturales des candidats. Et pour donner du tonus à leur masse musculaire, les athlètes s'échauffent, chaque détail compte. Entraînement, déprime, gloire, échec, rivalité avec Schwarzenegger, c'est cette vie de culture du muscle qui est racontée dans cette biographie du bodybuilder Mike Menzer. Une vie où chaque détail compte, pour gonfler son corps, pour structurer son physique, pour hypertrophier sa force, mais sans pour autant s'en servir. C'est là, en effet, le paradoxe du bodybuilding, il a recours aux muscles sans pour autant les utiliser, tout en les dépouillant de leurs fonctions. Paradoxal, mais c'est pourtant là que le muscle, avec le bodybuilding, apparaît ainsi dans toute sa pureté pour lui-même. Qu'est-ce qu'un muscle quand il n'est pas utilisé? Certains philosophes, comme Aristote, y ont vu l'organe de la puissance, de l'action et par suite de la volonté, celle-ci étant même comparée à un muscle que l'on doit exercer. D'autres en ont fait le signe de la virilité, c'est tout l'état d'esprit antique que l'on peut aussi retrouver chez un Nietzsche. Mais avec Mike Menzer, le muscle cultivé pour lui-même devient tout cela en plus fort et en plus tragique. Le lieu de l'effort, de la douleur et d'un certain rapport à soi toujours en tension. Where's your mouse and bulk is? Yeah, yeah, yeah. Party. Got a house to love you. Yeah, yeah, yeah. Party. Take a ride, I'm in Bill now. Yeah, man. The boys are here, the girls are here, and the muscle men are here. Peut-on recréer l'humanité? Comment entraîner son corps revient-il à explorer concrètement la réalité? Comment peut-on prendre plaisir à la douleur? Ce sont quelques-unes des questions que soulève la vie de Mike Menzer et qu'il a soulevé lui-même à travers ses propres textes. On y croise ainsi le surhomme de Nietzsche, l'objectivisme d'Ayn Rand et le pragmatisme de William James, mais on y croise aussi cette idée que tout idéal humain repose sur une construction, une exploration, un exercice, une culture, et du culturisme peut-être, de soi pour soi. Mais que cet idéal n'empêche pas la fragilité, au contraire, il repose sur elle. Comment être le meilleur avec et grâce à ses faiblesses, et même jusqu'à l'échec? Et c'est sûrement la question centrale posée par ce bodybuilder Mike Menzer. Passionnant Géraldine, et je vois que vous avez mis en pratique ce livre. Ah ben, je fais du bodybuilding tous les matins. Ça se voit, c'est flagrant. Ce livre s'appelle comment? Monsieur Amérique, c'est de Nicolas Chemla et c'est aux éditions Séguier. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine avec aujourd'hui à la prise de son Amine El-Mansari. Et c'était Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'attente. Demain, nous attendrons Godot de Samuel Beckett en compagnie de Bruno Clément. Ça risque de durer longtemps, mais ce sera passionnant. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Jean Kélévitch, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h précise. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.